Exercice 11, page 117. A. Session. Besoin. Version. Passion. Pression. Vision. B. Poisson. Noisette. Oignon. Oiseau. Poireau. Croissant. C. Wagon. Walter. William. Western. Weekend. Whisky. D. Courons. Voulons. Pouvons. Douchons. Souhaitons. Ouvrons.